کجای پتی رفتن؟ Mais si, ils sont là, les petits-enfants, ils sont jamais partis, les petits-enfants. Il suffit de fermer les yeux et les petits-enfants, ils sont au fond de nous, ils sont au fond de vous. Vous êtes sur Radio Radio, il est 21h, nous sommes le 26 janvier 2013 et vous écoutez, 2023 pardon, et vous écoutez vraiment autre chose. Vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive pour son numéro 200. Oh là là là là, mais qui l'eût cru, 200 émissions de Vraiment autre chose, 200 émissions que vous pouvez écouter dans les podcasts de Radio Radio en vous rendant sur la page Mixcloud ou sur le site de Radio Radio, où il y a 199 autres émissions qui vous attendent. Celle-ci, cette 200e, c'est aussi le 26e épisode d'Au pied de la lettre, tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with One List. Alors, petite remise en contexte, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du premier album du groupe Nurse with Wound qui sort en 79, qui s'appelle Chance Meeting Between a Sewing Machine and an Umbrella. Et encore, j'oublie un truc. En tout cas, c'est le premier album du groupe Nurse with Wound qui fera date pour deux choses, deux raisons. La première, c'est que ce groupe Nurse with Wound, composé de gens qui affirment ne pas être musiciens, en fait, savoir juste bien écouter et pouvoir faire de la musique, et ce groupe-là, en fait, fera date et fait encore référence en la matière. Voilà, c'est un groupe qui aura une discographie incommensurable, qui existe d'ailleurs à ce jour, si je ne dis pas de bêtises, et qui aura influencé énormément de groupes. Il y a tout un univers de groupes comme Coil ou Current 93 qui se revendiquent de Nurse with Wound. C'est vraiment un groupe qui aura marqué les esprits et l'histoire de la musique. Donc ça, c'est le premier intérêt de cet album. Le deuxième intérêt étant la présence dans cet album d'une liste de 293 groupes, musiciens ou musiciennes. Leurs influences, justement, puisque leur propos, c'est de dire il suffit de savoir écouter pour faire de la musique, ils nous donnent une liste avec tout ce qu'ils ont écouté. Voilà, on est en 78 à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Et dans ces groupes-là, autant il y a du King Crimson et du Zappa, des choses plutôt connues, autant il y a des choses vraiment obscures et totalement inconnues qu'ils ont glané au fur et à mesure de leur recherche chez les disquaires divers et variés. C'était des gros fans de musique. Et donc cette liste, avec le temps, finit par dépasser presque la réputation du groupe et par exister en tant que tel. C'est devenu un peu le Saint Graal de tous les collectionneurs, de tous les geeks de musique expérimentale, improvisée, bizarre. Et du coup, ce qui permet à tous les groupes dont j'évoquais l'existence tout à l'heure, surtout ceux qui n'ont pas vraiment percé, d'avoir une deuxième naissance. Les albums sont réédités, les disquaires font des back Nurse with Wound list. Enfin voilà, c'est vraiment la liste de référence à l'époque, un peu pour tout ce qui était un peu obscur et étrange. Cette liste, la BBC y a consacré une émission de 4h30, Audion Grid to Nurse with Wound List. Nous, Radio Radio et l'équipe de Vraiment Autre Chose, nous avons décidé de consacrer pour une soixantaine d'émissions de 3 heures, je dirais à peu près. C'est la 26e et nous allons attaquer donc la lettre L. Et je ne suis pas tout seul. Si je dis nous, c'est pas parce que j'ai un problème de dédoublement de personnalité, quoique. Mais j'ai un ami imaginaire qui est en Belgique et qui nous écoute et qui intervient dans l'émission depuis l'Outre-Quiévrin en la personne de Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir Manu, bonsoir les auditeurs, auditrices de Toulouse et de, je pense aussi de notre station en France, quelque part, j'ai oublié le nom de mais, où exactement. Mais oui, mais tu as tout à fait raison de le citer, vous n'êtes pas forcément sur Radio Radio jeudi soir aux alentours de 21h04, vous êtes peut-être en train de nous écouter sur Bram FM dans la Corrèze, auquel cas il est 22h34, merci de rappeler la présence de nos auditeurs et auditrices corréziens. Et quel grand honneur que j'ai cette fois-ci pour être avec toi pour le 200e épisode de votre émission. C'est un grand honneur que moi j'ai de partager cette aventure radiophonique avec toi. On s'est rencontrés au Festival Météo et puis on a monté cette histoire-là de guide, de référence, d'exploration radiophonique. Et c'est une joie. Et donc merci aussi. Ouais. Et aussi pour aujourd'hui. En général, c'est plutôt de musique un peu osée, un peu je ne sais pas quoi. Mais cette fois-ci, on va commencer avec un artiste qui est aussi sur la liste de Nurse with Wound, qui s'appelle Stephen Norman Lakritz. Peut-être que le nom ne te dit rien du tout, mais si que je dis son nom comme artiste, Steve Lacy, je pense que chez beaucoup de gens, il y a une petite cloche qui va clignoter dans leur tête. Parce que c'est quand même, je pense, le musicien dans toute la liste de Nursery Tunes qui, à mon avis, a enregistré le plus grand nombre des albums. Sur son propre nom, il y a déjà 170 disques, je pense. Et si qu'on regarde toutes les autres collaborations qu'il a fait, il y a encore une centaine, 150, 150 en plus. Donc, ça veut dire quelqu'un avec 220, 230 albums, 250 albums, je ne sais pas exactement. Donc, si qu'on va écouter tous aujourd'hui, on est parti pour des jours, je pense. Mais on ne va pas le faire. On va justement se prendre un peu, comment, qu'est-ce qu'on peut dire, une échantillon de tout ce qu'il a fait, parce que aussi c'est un musicien qui est peut-être pas directement lié avec l'émission, si qu'on commence vraiment au départ de Steve Lacy, parce que c'est plutôt un musicien qui était connu au départ dans le domaine du jazz, mais vraiment dans le jazz de Dixieland et tous des trucs comme ça. Donc, il a commencé de jouer le Dixieland à l'âge de 16 ans. Selon lui, il a joué avec qu'est-ce qu'on dit, avec des musiciens de swing au milieu des années 60. Lacy subit l'influence des nouveaux moments tels que le pop puis le free jazz. Il se produit avec le pianiste Cecil Taylor sur le premier album. Duquel il figure cependant le style et de la musique du pianiste et compositeur Thelonious Monk. Dans le groupe duquel il est brièvement joué, ont eu une influence déterminante. Lacy reviendra à la musique de Monk tout au long de sa vie. D'autres influences jouées sont venues du bassiste Charles Mingus, du pianiste Duke Ellington et le pianiste Herbie Nichols. En 1958, son premier album sort sur son propre nom, intitulé Steve Lacy Soprano Sax, est sorti sur le légendaire label Prestige avec tout le grand nom du jazz. Entre-temps, plus de 9000 sorties depuis 1949, dans de nombreuses éditions ces dernières années. Et on va écouter un morceau qui vient de cet album-là. Et le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Rocking in Rhythm. Thank you. Et donc, oui, c'était Steve Lacy avec le morceau Rocking in Rhythm qui était sorti en 58 sur le label Prestige et l'album s'appelait Soprano Sax. Au milieu des années 60, Lacy s'installe en Europe où il reste toujours, où il reste jusqu'en 2002. Paris devient l'un de ses porte-attache pendant des années. D'incomparables collaborations ont lieu. Il y a relativement peu de femmes dans l'ensemble de l'œuvre de Lacy, mais en 66, il enregistre un disque avec le pianiste fantastique Carla Bley, avec Mike Mentler, qui nous connaissait surtout comme Michael Mentler. J'ai dit une petite erreur, parce que c'était Carla Bley qui jouait avec Mike Mentler, que nous connaissons surtout comme Michael Mentler. Donc c'est justement ça, une petite erreur de ma part. Et on va écouter un morceau qui vient de cet album-là, qui s'appelle Jazz Realities, qui était sorti en 66 sur le label Fontana, et le morceau s'appelle Walking Battery Woman. Thank you. Et donc oui, c'était Carla Bley ensemble avec Mike Mantler et Steve Lacy de l'album Jazz Reality. C'est le morceau que nous avons entendu, c'est Walking Battery Woman. Et quelle est ton impression, Manu, de ce petit jazz truc? Eh ben, écoute, autant le premier morceau qui faisait très piano jazz, et je vois très bien, quand tu disais, l'influence de Thelonious, c'est un peu moins ma came, autant là, déjà, ça se rapproche de choses que j'aime, j'avoue. Je trouvais très plaisant, ce morceau. Signaler au passage que c'est scandaleux. Mais il y a beaucoup de scandales, hein, sur cette Nurse with Wound List. Elle n'est pas parfaite. Bien sûr, il manque des choses. Il y a même certaines choses qui sont dessus, qui sont dispensables. En tout cas, c'est assez scandaleux que Carla Bley ne figure pas dans cette liste, parce que c'est une musicienne majeure. Michael Mantler, par contre, Mike Mantler, lui, il figure. On y reviendra bientôt quand on va attaquer la lettre M, hein, et il nous a offert à entendre des albums magnifiques tels que The Hapless Child. Je pense que je m'attarderai sur cet album dans un épisode à venir. Voilà, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, et on va aussi, durant l'émission, on va te voir un peu comment l'œuvre de Steve Lacy va être modifiée et que ça devient de plus en plus adapté aux listeners with Wound. Et moi, je vais rester dans la veine jazz, puisque bon, Steve Lacy, ce sera notre fil rouge, on en reparlera tout au long de l'émission. Là, je vais attaquer un autre groupe de la lettre L. Et bon, je vous disais, on allait bientôt parler de Michael Mantler, donc déjà, vous avez un avant-goût. Et plus on avance, là, on est au 26e épisode, plus on avance dans cette liste, plus il y a des noms qui nous deviennent familiers, des recoupements. Il y a quand même une espèce de grande famille de la Nurse with Wound List. Et là, je vais parler de Lord Free, qui est le projet de Gilbert Hartman, qui figure dans la liste. Et tu nous avais présenté, Nico, je crois, la première, ou peut-être le deuxième épisode, tu nous avais présenté Gilbert Hartman à travers son groupe Urban Sax. Voilà, ouais. Tout à fait. Qui était une grosse claque. Et c'est vrai que le Gilbert Hartman, Urban Sax, apparaît au nom de Gilbert Hartman. Et là, le groupe s'appelle Gilbert Hartman Lard Free, mais pour le coup, il apparaît au nom de Lard Free. Voilà, ça c'est pour la petite précision au niveau des initiales. Je vais vous parler un petit peu de Gilbert Hartman avant de s'arrêter à Lard Free. Gilbert Hartman est un batteur, donc voilà. Dans ce groupe Lard Free, on est sur de la musique expérimentale, acoustique et synthétique, dans une veine proche de Eldon et du krautrock. Le krautrock, vous voyez ce que c'est, Eldon, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. C'est un groupe français qui a fait date. Gilbert Hartman, alors c'est très amusant quand je vous dis que tout se recoupe. Gilbert Hartman fait ses débuts dans un orchestre de jazz au Havre. Il est batteur. Et il fréquente le fameux club parisien Le Chat qui Pêche, où il a l'occasion de jouer avec Don Cherry et avec Steve Lacy, justement. Tout se recoupe. Bon, on n'a pas d'enregistrement de l'époque, hein. C'était les petites jams au Chat qui Pêche. En décembre 70, pour être exact, Gilbert Hartman forme le groupe Lard Free. Lard Free, donc l'art libre, enfin l'art comme du lard, quoi. Est-ce du lard, est-ce du cochon? On le verra par la suite. Il forme donc ce groupe aux côtés de François Mativet à la guitare, Jean-Jacques Miette à la basse et Dominique Triloff au clavier et Philippe Bollier au saxophone. Et son pote Jackie Chantrier qui fait la sonorisation. Et ce groupe donc est formé, répète, joue. Et 6 mois plus tard, d'ailleurs, participe à un tremplin, le tremplin du golf Drouot, et gagne une séance de studio. Ils se font rejoindre pour cette séance de studio par un vibraphoniste, Robert Wood, et c'est parti. Premier enregistrement qui paraîtra pas, qui paraîtra beaucoup plus tard, sous le titre de The Unnamed, si je ne m'abuse, mais qui paraîtra dans les années 90-2000. À l'époque, cet album-là ne sort pas, donc c'est pas ça qu'a écouté Steve Stapleton, puisque je rappelle que Steve Stapleton et John Focus Hill, les deux musiciens de Nurse With Wound, c'est eux qui ont fait cette liste. Donc nous, ce qu'on essaye dans cette exploration, c'est de savoir qu'est-ce qui a perturbé leur oreille au point de vouloir se référencer au groupe ou aux musiciens ou aux musiciennes. Donc ce n'est pas ce premier enregistrement. Néanmoins, on va, avant que je parle un petit peu plus, on va s'écouter le titre du tout premier album du coup, qui sortira en 73, qui s'appelle Gilbert Hartman Lord Free. C'est le nom du groupe, c'est le nom de l'album. On écoute le titre d'introduction qui s'appelle War in a Barrel, que j'ai choisi non seulement parce que c'est le titre d'introduction, mais je trouve qu'il reflète très bien la couleur musicale de l'album, voire même carrément de l'œuvre de Lord Free. Donc c'est parti, donc le titre s'appelle War in a Barrel et les musiciens, je vous les dirai tout à l'heure et je vous expliquerai comment il a été enregistré. Allez, c'est parti, War in a Barrel. Thank you. Warino Baril, morceau qui ouvre donc l'album Gilbert Hartmann L'Art's Free. Et morceau, comme je vous le disais, représentatif. On retrouve un petit peu ces ambiances-là au fur et à mesure de l'album, à savoir des choses qui partent plutôt calmes, plutôt planantes, et qui vont où il va y avoir un peu de distorsion et du bruit qui va se mêler petit à petit. Mais c'est un petit peu une des marques de fabrique de cet album-là, quoi. Vraiment, on pose une ambiance et ensuite on la défonce. Voilà, en gros. J'imagine que tu connaissais déjà bien ça, Nico. Connaître sa pièce, c'est un grand mot, mais on reconnaît quand même un peu les sax dedans qui sont encore un peu dans l'esprit de Urban Sax, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai découvert ce musicien par Urban Sax grâce à toi. Et effectivement, je retrouve des choses qui me plaisent dans Urban Sax un petit peu dans ce Lord Free. On est en 73, justement, la genèse de l'enregistrement de cet album. Gilbert Hartmann fait un séjour en Angleterre pour participer à l'enregistrement de l'album de Cyril Verdot, Clarlight Symphony, qui sortira en 75 chez Virgin. Et c'est également en Angleterre, dans les studios Island, qu'il enregistre, lui, en 73, donc cet album, Gilbert Hartmann's L'Art Free, le premier album de L'Art Free qui sortira sur le label Vamp Records. Les musiciens, c'est donc Gilbert Hartmann qui est à la batterie, mais aussi au piano et au vibraphone. Hervé Ayani est à la basse et au synthé. Philippe Bollier au saxophone et François Mativet est au guitare d'ailleurs. Vous avez pu entendre ce que ça donne. Tout l'album a cette couleur-là. Il y a des morceaux aussi qui sont uniquement dans le calme et qui sont pas les plus mauvais. Je pense à Livaro Respiration, une espèce de morceau hyper planant de 8 minutes que je vous passerai pas ce soir. Pour laisser plus de place à Steve Lacy, je vais même faire quelque chose d'infamant. C'est qu'il y a un morceau en deux parties, une suite, qui s'appelle 12 ou 13 juillet que je sais d'elle, qui pour moi est un peu l'un des highlights de cet album. Et on va pas écouter la première partie, on va écouter directement la deuxième. Donc je vous fais un résumé de la première partie. En gros, c'est ce que je vous disais, c'est la partie, on va dire, planante, qui installe une ambiance. Et à partir de la deuxième partie, ça commence un petit peu à déconstruire, à amener un peu de free. Après tout, le mot free est pas innocent dans le monde de ce groupe. C'est de la musique libre. Donc on va s'écouter donc 12 ou 13 juillet que je sais d'elle, partie 2 directement, et on en reparle après. We'll be right back. au 13 juillet que je cédale, partie 2. C'était donc Lord Free, donc tiré de l'album Gilbert Hartmann's Lord Free, qui est sorti en 1973. Pour enregistrer le deuxième album de Lord Free, qui s'appelle I'm Around About Midnight, qui sort en 75, toujours chez Vamp Records, Gilbert Hartmann change complètement le personnel autour de lui, puisque c'est Antoine Duvernay qui est au saxophone alto, à la flûte, Alain Oda au synthé, ténor sax, basse clarinette, Gilbert Hartmann toujours là pour assurer percussion, vibraphone, orgamon, piano et sax ténor. Donc trois saxophonistes potentiels. Quand tu disais qu'il y avait des liens entre Lord Free et le Urban Sax, on s'en rapproche de plus en plus. Et c'est le guitariste Richard Pinas, justement du groupe Eldon, qui assure la guitare, la basse et les synthés. À noter que quand ils vont défendre cet album en concert, c'est en trio, donc avec toujours Gilbert Hartmann, forcément. Richard Pinas l'accompagne donc avec les instruments que je vous ai cités. Et le troisième musicien, c'est Jean-Jacques Birger, qui est au synthé et au saxophone alto. Jean-Jacques Birger, qu'on a découvert avec la lettre B. C'est toi qui nous en avais parlé quand je vous dis qu'il y a une grande famille des musiques étranges à l'époque. Et ça se ressent aussi dans cette liste. On va donc écouter maintenant un extrait de cet album, donc I'm Around About Midnight, qui est sorti en 1975. Et le titre que j'ai choisi, que je le retrouve, où est-ce qu'il est ? Il est là, s'appelle In a Desert, Alambic. Et pour le coup, je ne l'ai pas choisi pour rien, ça va te faire plaisir, c'est que j'ai trouvé qu'il était très urban saxien, justement, dans sa façon de faire. Donc on s'écoute donc de cet extrait de l'album I'm Around About Midnight. On est en 1975 et c'est le groupe Lord Free. Thank you. Ça commence abruptement, ça finit abruptement, tout bêtement, parce que les 3-4 premiers morceaux de cet album-là s'enchaînent. Voilà, on a écouté donc In a Desert Alambic, c'était l'art free tiré de l'album I'm Around About Midnight. Donc, tu vois ce que je veux dire sur le côté un peu urban sax? Absolument, c'est presque urban sax quand on écoute ça. Ouais, c'est ok. Il reste encore une connexion un peu avec un standard de jazz dans dedans, mais ouais, c'est vraiment urban sax. Ouais, carrément. Enfin, je trouve urban sax c'est encore mieux, je trouve, parce que y a cette masse justement de saxophones. Là, je sais pas, ils sont 2-3, puis c'est doublé en studio. Cet album-là, donc le premier, je vous avais dit, c'est plutôt des ambiances planantes qui finissent par se déconstruire. Là, on est plus sur quelque chose de, comment dire, la déconstruction arrive par petites pointes, comme vous avez pu l'entendre sur ce morceau. Album plutôt sombre, une Desert Alambic que je recommanderais pas particulièrement. Non, In a Desert Alambic, c'est le nom du morceau. L'album, c'est I'm Around About Midnight. Voilà, si vous avez été intéressé par ce que vous avez entendu, bah, vous pouvez écouter tout le reste de l'album. Il est disponible sur Bandcamp, chez Replica Records. Je crois qu'on ressortit tous ces albums-là. Gilbert Hartmann, par la suite, en 76, se joint au collectif Opération Rhino, grand collectif de musiciens tout aussi barrés. Et puis, il monte surtout cette année-là Urban Sax, donc orchestre composé uniquement de saxophonistes. Et je vous renvoie à la première émission de Au pied de la lettre, l'épisode 1, où tu nous en avais longuement parlé. Et donc, du coup, il mène de front deux projets, donc l'Art Fully d'un côté et Urban Sax. Et en janvier 77, il enregistre le troisième et le dernier album d'ailleurs de Lord Free, qui s'appelle Lord Free 3 ou Spiral Malax, ça dépend, qui paraît en juin 1977, à peu près en même temps que le premier album de Urban Sax. À part que Urban Sax, bah, c'est le début de la carrière et ça se développera beaucoup, tandis que Lord Free, ce sera un peu la fin. Ce titre, Lord Free 3, c'est cet album, encore trois autres musiciens, de nouveau, c'est pas les mêmes, et surtout, absence totale de saxophone, c'est triste. Et c'est deux grosses pistes. On est vraiment sur un truc assez crowd rock, de très longues pistes. Bon, j'ai écouté ça. Sincèrement, ça vaut pas le coup de vous en passer, je trouve. Mais si vous avez aimé ce que vous avez entendu jusqu'alors, ben, je vous invite à faire votre recherche vous-même. Après tout, on va pas tout faire à votre place. Hein. Voilà, on vous donne des pistes d'exploration. N'hésitez pas à aller plus loin sur certains chemins qui nous auront fait nous rebrousser. Et en parlant de chemin, on va rejoindre le chemin qui nous mène au fil rouge et à Steve Lacy. Oui, donc là, dans les années, au milieu des années 60, il devient de plus en plus évident que le libre et l'improvisation joueront un rôle plus important dans l'œuvre de Steve Lacy, comme dans l'album The Forest and the Sioux and the Zoo, qui était sorti en 67 avec deux pièces d'environ 20 minutes chacun, où qu'on voit clairement que l'idée de jazz est fort changée. Et là, c'est l'ensemble de Steve Lacy Quartet, où que il est accompagné au contrebasse avec Johnny Diani, au tambour Moholo, et à la trompette Enrico Rava, et donc au soprano sax, on va y entendre Steve Lacy. Et donc, l'album était sorti sur le label ESP, quand même un label légendaire de musique de free dans les années 60, je pense. Et le morceau qu'on va entendre, c'est la face B et ça s'appelait Zoo. C'est un morceau de plus que 20 minutes. Thank you.

Thank you. Eh oui, merci, merci, merci. Je pense pas l'applaudissement est pour nous, mais qui le sait? Mais si, c'est pour applaudir le fait qu'il est 22h06 sur Radio, ou bien 23h36 sur Bram FM. Si vous nous écoutez par Bram FM, ou qu'il est l'heure, qu'il est plus 1h06 par rapport au moment où vous avez commencé à écouter cette émission, si vous l'écoutez en podcast, par n'importe quel biais, le blog de Vraiment Autre Chose, vraimentautrechose.com, ou alors la page Mixcloud de Radio, ou celle de Vraiment Autre Chose, où vous retrouverez d'ailleurs une playlist totalement dédiée aux épisodes au pied de la lettre, tentative d'exploration radiophonique de la Nursery Zone List. Vous en écoutez le 26e et fil rouge autour de Steve Lacy, qu'on vient entendre à l'instant, donc dans la pièce Zoo. Oui, et donc le morceau que nous avons entendu, c'était Zeus, effectivement. Et... Mais je pense que je laisse la parole maintenant à toi, Manu, parce que tu as aussi des choses à nous laisser découvrir. Ah ben ouais, carrément. Donc on va changer complètement d'univers, on va même changer de continent et on va aller du côté de Los Angeles. Et je vais vous parler de la Los Angeles Free Music Society, LAFMS. Je ne suis pas le premier à vous en parler. Notre camarade Tony en avait parlé lors des premiers épisodes, puisqu'il y a pas mal de groupes de ce collectif, le Los Angeles Free Music Society. Pas mal de groupes de ce collectif font partie de cette Nursery Zone List. C'était le cas de Airway et c'était le cas aussi des Doodoo Eaties. Nous avait présenté Tony. Cette fois-ci, Tony n'est pas là, mais on le salue bien bas. Et c'est moi qui vais vous raconter l'histoire de ce groupe qui s'appelle donc le Forte Four. Je commence à vous parler de ce collectif, Los Angeles Free Music Society, qui est un collectif d'anarchistes noise partageant les mêmes idées du milieu des années 70, qui trouve le rock commercial beaucoup trop ennuyeux, lisse et prévisible, qui décide de réinventer l'improvisation et le son avec des expériences de bricolage. En gros, sont inspirés par Frank Zappa, Captain Beefheart, John Cage, que des gens qui font partie de cette liste, par les Residents aussi, et par le free jazz. C'est un mouvement, le Los Angeles Free Music Society, d'avant-rock underground, et qui deviendra d'ailleurs une maison de disques. Mais justement, en parlant du Forte Four, je vais aussi vous parler de la genèse du Los Angeles Free Music Society. On est en 1973, quand il y a un trio avec les musiciens Rick Potts, Joe Potts, donc c'est plusieurs Potts, c'est des frères, et Chip Chapman commencent à enregistrer du son, et leur nom de groupe c'est Patients in East LA. Leur musique c'est des expériences sur des bandes et des jeux improvisés mélangés à des échantillons de dessins animés télévisés, ainsi qu'à la grosse grosse collection de disques de Chip Chapman. En 74, ils enregistrent leur premier album. L'album s'appelle Cabela Binsky Bungo et le groupe a changé de nom et s'appelle donc maintenant le Los Angeles Free Music Society. Mais en 1975, au moment où l'album sort, ils décident de tout changer. Finalement, l'album va s'appeler Bikini Tennis Shoes et le groupe va s'appeler le Forte Four. Et c'est donc ce premier album, Bikini Tennis Shoes et Los Angeles Free Music Society, me direz-vous. Et ben, ça devient leur nom de label pour sortir cet album-là. On va s'écouter donc quelques extraits de cet album, donc qui s'appelle maintenant Bikini Tennis Shoes. Le groupe s'appelle donc le Forte Four. Bah, je vous ai un peu décrit la musique et vous allez voir. Ben, ça correspond à peu près à ce qu'on va entendre. On a affaire à un album où il y a petite trentaine de morceaux, un petit peu moins, je dirais 25, qui oscillent entre 6 minutes et 12 secondes. Voilà. Donc on a vraiment des petites parties d'expérience à droite, à gauche. Tiens, on a fait ça, on n'a pas envie d'aller plus loin, on vous le met comme c'est. Tiens, ça, on a préféré le développer. Et c'est tout ce qui se retrouve dans cet album-là qui est vraiment plaisant à l'écoute. Je vais pas vous mentir. Première écoute, j'ai trouvé ça bof. Deuxième écoute, je suis déjà un petit peu plus rentré là-dedans. Du coup, bon, bah, je vous mets la première écoute en espérant que ça titille votre curiosité. On va s'écouter donc quatre titres enchaînés qui s'enchaînent pas forcément dans cet album, mais que moi je vais enchaîner pour vous mettre vraiment dans l'univers de Bikini Tennis Shoes et donc de ce groupe, le Forte Four. Donc on va écouter le premier titre. Alors, c'était obligé de le passer, il s'appelle Fade It Out. Faites des fade out. Justement, j'adore les fade out et il n'y en a pas eu jusqu'alors, donc au moins on a un morceau qui s'appelle Fade It Out. Le morceau suivant s'appelle The Pope Speaks, le pape parle, d'ailleurs ça correspond complètement au titre. Ensuite Crank Up The Kids et on va finir avec Bongo Madness. Donc je vous laisse dans l'univers assez imprévisible du Forte Four et on en reparlera juste après. C'est parti. Fade it out. Fade it out. Ec pulcherrimi apostoli gentium sententiae ortationesque, pascalibus isce anni sacri solemnibus, peculiarissima modo opportuna videntur, dum universi terrarum orbis christiani, spiritualibus reseratis ecclesiae thesauris, non solum ad sua expianda peccata. Yeah. On vient d'entendre à l'instant le Forte Four, les musiciens, je rappelle les noms parce que j'en ai oublié un tout à l'heure, Chip Chapman, Joe Pott, Rick Pott. Ils sont rejoints donc par Tom Pott pour devenir le Forte Four, qui est après tout, je me répète parce que j'adore mes propres blagues, une belle bande de potes. Est-ce que tu... J'aime les potes. Ouais, j'aime les potes. Et puis ça dépote comme musique, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est super, ça c'est un truc agréable. Il faut le mettre en boucle, je pense, des trucs comme ça. Ben, en vrai, ouais, cet album est vraiment très chouette. Et coup de bol, il y a eu des grosses rééditions très récemment des archives de la Los Angeles Free Music Society. Ce qui fait que ben, cet album-là, par exemple, vous pouvez l'écouter sur Bandcamp. Vous tapez Forte Four, Bikini Tennis Shoes, et vous pouvez l'écouter dans son intégralité. Et c'est bien représentatif ce qu'on vient d'entendre. Il y a beaucoup, beaucoup de bidouilles, de petites recherches. Ça renvoie du côté des Residents par moment. Puis d'autres groupes dont on a pu parler, qui ont eu des démarches un peu similaires en Europe ou ailleurs. Que dire de plus ? Eh ben, on va changer pour continuer un peu l'histoire de ce Forte Four et de cette Los Angeles Free Music Society. Eh bien, on va faire du pendant ce temps. Pendant ce temps à Pasadena. Pendant ce temps à Pasadena, il y a un disquaire qui s'appelle le Puba Record Shop où se réunissent pas mal de musiciens qui ont pareil un peu les mêmes penchants expérimentaux. Et ces musiciens, bah, c'est notamment Tom Rekion qui lui carrément travaille au magasin de disques et qui avait formé un groupe qui s'appelle les Two Woo Do Duets avec son copain Harold Schroeder. Et plus tard, avec leur pote Juan Gomez, ils changent le nom de ce groupe qui devient les Do-Do-Itties, dont nous avait parlé l'ami Tony. Et donc ces musiciens-là, puis il y en a d'autres, des musiciens toujours aussi expérimentaux, qui répondent aux deux noms de Ace Farrenford, du Professeur, Dennis Duck, Richard Snyder, et qui font partie d'un groupe qui s'appelle Smegma, dont on parlera plus tard, parce qu'il fait partie de la Nurse With Wound List. Tous ces gens-là se retrouvent donc chez le disquaire de Pasadena, chez leur pote Tom Rekion, dans la boutique Puba Record Shop. Et un soir, on est en fin des années 75, Tom Rekion arrive au magasin et les gars, j'ai un disque de ouf. Et ce disque de ouf, c'est Bikini Tennis Shoes, dont on a entendu des extraits tout à l'heure, l'album de Le Forte Four. Donc ils écoutent ça, ils prennent une énorme baffe, ils se disent mais c'est pas possible, c'est notre démarche, on dirait presque notre musique, c'est incroyable, il faut qu'on rencontre ces gens-là. Rencontre est faite. Et du coup, les Do-Do Itties rejoignent la Los Angeles Free Music Society qui devient du coup un collectif et non plus seulement une maison de disques et un collectif. Bon, Smegma rejoindra ce collectif et beaucoup de groupes et de projets solo aussi des musiciens sortent donc sous ce label, sous cette nomination de Los Angeles Free Music Society. Et ça va jusqu'à faire des concerts ensemble. Et justement, en 1976, paraît le Live at Brand, qui est un live qui réunit les Do-Do Itties et le Forte Four. C'est justement de cet album live que Tony nous avait fait écouter le son de Do-Do Itties. Moi, je vais vous faire écouter ce qu'a raconté ce soir-là le Forte Four. Vous allez voir, c'est pas triste. Donc, on va s'écouter quatre titres de cet album-là. Donc, c'est un album, c'est un live, mais c'est présenté comme un album split. Il y a une quinzaine de morceaux des Do-Do Itties et une dizaine de morceaux du Forte Four. Parmi lesquels, donc, on va écouter. Allez, c'est parti. Donc, le titre Keep That Point Up, 4000 Holes in Claxburn, Lancashire. Le titre suivant, c'est Down the Congo in a Backward Canoe. Le troisième, c'est Teleton Returns Continues, parce qu'il y a des petits morceaux comme ça, très courts, qui s'appellent Teletons quelque chose, qui sont là dans toute la partie du Forte Four. Et le dernier titre qu'on va entendre s'appelle Welcome to 35 South Raymond. Donc c'est parti, toujours avec le Forte Four. C'est ça. That point up. Okay. Made The National Philharmonic Group of the Saint-Saëns Macaque to pop album called Ski Killer. Many pieces that he recorded many years ago, 78 Philadelphia. As time later will play from this album. Just a moment. Et voilà, et encore, c'est que 4 extraits de ce live at Brand, genre concert où j'aurais voulu être. Ce concert-là des Doudouitis et du Forte Fort, ça devait être vraiment quelque chose d'entendre tout ça, tout ça en live. Ça vous donne une bonne couleur, en tout cas, du son du Forte Effort. Donc, hein, c'est ce que je vous avais dit en préambule. On a la collection de disques passe avec de la bidouille en direct. Ça m'a l'air d'être complètement de l'improvisation. Du reste, il n'y a pas un seul titre de Bikini Tennis Shoes qu'on retrouve dans ce live. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça improvise avec de la nouvelle matière. C'est vraiment magnifique. Oui, c'était super chouette. Hein, c'est super, super chouette. Ouais. Et on va continuer, je pense, avec... Juste rapidement dire que la Los Angeles Free Music Society continue donc à ouvrir son ombrelle pour accueillir tous les groupes expérimentaux qui veulent la rejoindre. Et d'ailleurs, Joe Potts a une idée, il sort des compilations qui répondent au nom de Blurp et 7. Il y en a plusieurs, entre 78 et 80, où là, pour 2$, tu as le droit d'apparaître pendant 15 minutes dans la compilation. C'est aussi une façon d'ouvrir et d'aider pas mal de groupes, justement, à profiter de ce label parapluie collectif qui œuvrera assez longtemps. Et comme je vous le disais, tout ça a été réédité, tout ça peut s'écouter sur Bandcamp. Cette fois-ci, je te laisse la parole. Ah, super, ouais. Et maintenant, on va à nouveau tourner vers un univers un peu, ouais, je ne sais pas comment dire, mais ouais. On va développer l'œuvre de Steve Lacy. Et je pense que la rencontre de Steve est celle avec le pianiste Cecil Taylor, avec qui il joue régulièrement de 55 à 59. Et comme Steve dit, il m'a tout appris. Fats Navarra, Bud Powell, Charlie Parker, je ne connais même pas Stravinsky. Cecil Taylor qui fait découvrir un autre pianiste, Thelonious Monk, également compositeur, à qui il a consacré une grande partie de ses enregistrements, dont les premières vinyles, et qu'il a accompagné plusieurs mois en 60. Steve Lacy entre à plein pied dans le monde de free jazz, font ensuite avec le tromboniste Roswell Rudd en quartet qui de 61 à 64 interprète la musique de Thelonious Monk et comme en 69 avec le titre Thelonious faisant référence à Monk sur l'album Epistrophe. Il est en compagnie de Jean-François Jenny Clark au contrebasse, Aldo Romano à la batterie et au piano Michel Grelier. Donc on va écouter le morceau Thelonious de 69. Thank you. Thank you. Et oui, c'était Elonious de Steve Lacy de l'album Epistrophe de 80, non, de 69 qui était sorti sur le label BYG Records. Un tournant majeur se produit en 74 lorsqu'il peut enregistrer pour le label M&M qui était fondé par Martin Davidson, un label qui se concentre principalement sur l'improvisation libre, enregistrant et en seule prise pour préserver la spontanéité. La majorité entend l'enregistrement de concert. Il y a le théâtre du Chien Noir, je pense que tu en parlais au départ déjà, si je ne me trompe pas. Ouais, carrément. C'est un théâtre en Avignon. Et c'est Oui. aussi le nom d'un groupe de musique, enfin d'une compagnie théâtrale qui a sorti des albums. J'en avais parlé quand on était à la lettre C. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout ce lieu-là, donc j'étais un peu surpris que ça revenait déjà deux fois dans cette émission-là. Nous allons écouter un enregistrement qui était réalisé dans ce théâtre-là, un album solo qui était enregistré le 7 et le 8 août en 74, et le titre du morceau s'appelle Name. Allô Nico ? Oui, je pense que tu vas l'adorer parce que la fin, c'est presque un fade-out dans la musique d'improvisation. Ouais, c'est vrai. Et alors moi, je connais très peu Steve Lacy. Par contre, ça me renvoie à un musicien que je connais un petit peu plus. Ça ressemble vachement à du Colin Stetson, ce qu'on vient d'entendre. C'est fou. Mm-hmm. Souffle continu, polyphonie, enfin waouh, c'est magnifique. Ouais, ouais. Je pense que Colin Stetson est fort inspiré par Steve Lacy. Oh bah oui, là pour le coup, ce morceau, franchement, oui, s'il n'a pas écouté ce morceau avant, je serais très étonné. Ça me renvoie d'ailleurs aussi à un autre musicien beaucoup plus récent, toulousain, qu'on a reçu à quelques reprises quand on organisait des concerts dans nos studios. À l'époque, on n'avait pas le droit d'en organiser ailleurs. Je pense à Johan Dumas et son solo Amelia Tabei, qui est pareillement dans ce genre de... Totalement dans ce genre d'écriture. Et ouais, c'est très beau. Et puis, beau son, hein, ce théâtre du Chêne Noir. Hein. Elle est magnifique, cette petite réverbe naturelle. Oui, tout à fait. Donc, aussi, grâce à ce label M&M, c'est quelque chose qui a inspiré Steve Lacy de faire de plus en plus des enregistrements dans ce sens-là. Parce que lui, c'était le premier album de ce label-là. Durant cette année-là, ils ont enregistré 4 albums en total pour ce label-là avec Steve Lacy. Ok, pour une première, c'est une réussite. Je reprends la main pour vous amener ailleurs, pour vous amener à Berlin, en Allemagne, avec un groupe qui s'appelle Limbus. Précisément Limbus 3. On y reviendra plus tard parce qu'il y a plusieurs formations de Limbus. Il y a Limbus 3, il y a Limbus 4 et les deux sont sur la liste, ce qui est quand même assez étonnant. De première, première fois qu'on retrouve deux groupes qui sont quasiment les mêmes, mais différenciés dans la liste. Donc, on va faire cette différence et je vais vous parler donc maintenant de Limbus 3. Limbus 3, c'est un trio, comme son nom l'indique. Les musiciens s'appellent Odysseus Hartner, Gert Kraus et Matthias Knipper. Ils utilisent tour à tour des instruments occidentaux tels que le piano, la basse acoustique ou la basse électrique, les guitares acoustiques ou électriques, et aussi quelques instruments plutôt tirés des musiques folkloriques, si j'ose dire. On y reviendra aussi. Donc ce groupe se forme et fait des concerts, rien de plus étonnant. Quelques minutes après le début des représentations, la moitié de la salle est partie. Et ceux qui restent sont pas silencieux, au contraire, ils participent au bruit du groupe avec tous les objets qu'ils trouvent. Ils tapent avec des cuillères, avec des chaises, avec tout ce qu'ils peuvent pour participer justement à cette musique. Et c'est un peu l'idée de Limbus, quoi. C'est de partir d'un son cacophonique à l'unisson pour créer des entités cristallines qui agissent comme des catalyseurs méditatifs. Je cite. Telle est leur démarche. Ils sortent leur premier album en 1969 qui s'appelle New Atlantis Cosmic Music Experience. Et ça, c'est marrant parce qu'il faudra attendre quelques années pour qu'il y ait des compilations qui sortent en Allemagne sous le nom de Cosmische Musik, la musique cosmique. Et comment dire, Limbus se distingue complètement des groupes qui ont été apparentés à la cosmique musique, tels que Tangerine Dream par exemple ou Klaus Schulze, tout bêtement parce qu'il n'y a pas du tout d'électronique chez eux. Leur musique se prétend cosmique, mais il n'y a pas d'électronique. On est uniquement dans l'acoustique et un peu de trifouillage de studio forcément, mais pas d'instruments électroniques. Et pour autant, c'est eux qui sont les premiers à s'apparenter, à se revendiquer de la musique cosmique en Allemagne. Donc leur musique, elle est pas du tout électronique. C'est une musique complètement spontanée, presque improvisée, de l'aveu des musiciens, qui emprunte du free jazz à l'improvisation, mais uniquement avec des instruments à cordes. Voilà. Et il y a aussi dans leur musique la passion pour les musiques ethniques, les vents orientaux comme le valila, les tablas, le tsitakara, le totalophone et tout ce qui peut être percussion africaine. Ça nous donne un mélange assez surprenant et caractéristique de leur musique. Et puis on est en 1969 et c'est quand même assez fou parce qu'il y a beaucoup de choses par la suite dont on peut imaginer qu'elles se sont inspirées de Limbus. On va donc écouter un extrait de cet album-là qui s'intitule New Atlantis Cosmic Music Experience. Juste préciser qu'il sort sur un label qui s'appelle CPM, qui est une coopérative musicale créée par des musiciens, donc par des musiciens pour des musiciens, avec des groupes tels que Embryo et surtout Checkpoint Charlie, dont on avait parlé, qui font partie de la Nurse With Wound List. Voilà, donc c'est quasiment de l'autoproduction. Ce label-là, d'ailleurs, n'existera pas très longtemps, mais il aura permis la sortie de cet album. Et c'est assez marrant quand on va sur les forums des fans de krautrock, les avis sont hyper partagés. Il y en a qui considèrent que c'est un album mineur sans intérêt et d'autres qui disent que c'est un chef-d'œuvre, que c'est la préhistoire du krautrock, que c'est eux qui ont posé les bases. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion donc en découvrant cet album par son premier titre, celui qui ouvre l'album et qui s'appelle One Way Trip. Ja, du halt, wie soll das weitergehen, wenn ich da frage? Das ist deine Sache. Aber wenn du mir schon ausdrückst, wie ich anfangen soll, dann weiß ich schon überhaupt. Eins, zwei, vier. One, two. Oh, Thank you. Cette expérience cosmique vous a déstabilisé, là. Vous vous demandez, mais où suis-je et mais quelle heure est-il? Eh bien, vous êtes sur Radio et il est 23h05 à peu près, ou peut-être que vous nous écoutez en Corrèze, et auquel cas vous êtes sur Bram FM et il est 00h35. Voilà. Si vous nous écoutez par le biais des podcasts, là, je ne saurais vous dire l'heure qu'il est ni même où vous êtes. En tout cas, l'expérience qu'on vient de vivre, c'est le One Way Trip, le titre qui ouvre l'album donc de Limbus 3. Pourquoi ne parlons-nous de ce groupe allemand? Parce qu'ils font partie de la Nurse With Wound List et que ce que vous écoutez, c'est vraiment autre chose, 200e édition, et c'est aussi le 26e épisode de nos hors-séries consacrés à l'exploration radiophonique de la Nurse With Wound List. Cet album, donc New Atlantis Cosmic Music Experience, comporte 4 morceaux. Le titre que vous venez d'entendre, il y a 2 morceaux plutôt courts qui sont un peu des virgules entre 2 et 3 minutes, très plaisantes, plutôt ethniques, ceci, on va dire. Et ça se termine, la phase B, c'est une longue suite tout aussi expérimentale que ce qu'on vient d'entendre. Je sais que Steve Stapleton et John Forges Hill, les musiciens de Nurse with a Wound, quand ils ont composé cette liste à partir des albums qui les avaient marqué, l'un de leurs axes de recherche quand ils allaient de chez les disquaires pour essayer de trouver des trucs nouveaux, c'était aussi de bloquer sur les pochettes. Celle-ci est assez particulière parce que cette pochette, elle est entièrement en papier. C'est comme une espèce d'affiche dépliante. En fait, c'est plié en 4, il y a le disque dedans. Et quand on la déplie, eh bien, on a affaire à des notes, beaucoup de notes signées d'un des musiciens, Gert Krause, qui combine la philosophie de ce groupe, Limbus, avec le texte utopique du nom dont ils ont tiré l'album, The New Atlantis, texte écrit en 1623 par Sir Francis Bacon. Il y a aussi des explications sur tous les outils étranges et sur tous les instruments tribaux qu'ils utilisent dans l'album, ainsi que des photos en noir et blanc très austères des 3 musiciens de ce trio, donc Limbus 3, qui vivra par la suite une autre vie, mais j'en parlerai plus tard. Je laisse la parole à Nico. Tu connaissais Limbus 3? Oui, absolument. Et ton avis? Bah, j'aime bien. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais ouais, je sais pas si tu es convaincu de ça. Convaincu, j'en écouterai pas forcément tous les jours, je dirais. Mais en tout cas, il y a une démarche qui est très spécifique et ça fait plaisir. C'est un groupe qui a sa propre identité. À titre perso, par rapport à ce que j'en connais, je les rangerai pas forcément du côté du crowd rock. Mais et ouais, il y a une vraie identité avec justement ce côté musique complètement free, avec des instruments qu'on entend rarement dans ces univers-là. Et ouais, l'album est quand même assez plaisant. J'en recommande l'écoute. Ok. Et donc, on va continuer avec Steve Lacy. Steve Lacy a été également constamment à l'écoute des interférences entre littérature et musique. Certainement, son intérêt dans la Beat and Generation, c'est un mouvement New York spécial. Allô? Pas uniquement là. Avec Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs et surtout la technique de cut-up de ce dernier qui a été affinée par Brian Gyson, où les textes, les phrases, les mots sont coupés et placés dans un ordre différent de plénitude. Un album qui a été entièrement dédié et plus encore, c'est un album avec un 7 pouces supplémentaire où Brian Gyson lui-même lit 7 textes. Ici, c'est ensemble avec Steve Lacy sur saxo et la voix, c'est Brian Gyson. De l'autre face de cette pouce, Steve Lacy utilise également sa voix, mais nous allons écouter le côté qui s'appelle Permutations of Brian Gyson. Et c'est ces 3 petits morceaux. Le premier, c'est Junk is No Good Baby. Le deuxième, c'est Kick That Habit Man, un morceau que j'adore énormément, qui était aussi repris dans plusieurs autres groupes. Et le morceau, le dernier qu'on va écouter, c'est I Don't Work, You Dick. Junk is no good. is no good, baby, jump. No good, baby, jump. Good baby, jump is no. Baby, jump is no good. Jump, baby, no good. Is no good, jump, baby. No good, jump, baby, is. Good jump, baby, is no. Baby is no good, jump. Jump. Donc, c'était trois morceaux consécutifs de Steve Lacy ensemble avec Brian Gyson de l'album Songs, et que c'est la face A de 7 pouces qui était inclus de cet album qui s'appelait Permutations, qui était sorti sous le label Head Art en 81. Et ce label était aussi important pour Steve Lacy parce qu'il a aussi eu la liberté de s'exprimer dans le de forme d'art et de l'improvisation à côté de Eminem. Je pense que c'est les deux labels assez cruciaux pour Steve Lacy. Et maintenant, on va changer un peu d'univers. Univers parce que je voulais juste te dire que c'était excellent. Ouais. Excellent ces trois morceaux. Hein. Franchement, fou. Ça peut s'écouter quelque part, tu sais, si on veut creuser un petit peu plus. D'écouter l'album, il faut l'acheter. Peut-être qu'il y a des chemins. J'ai pas regardé où qu'on peut le trouver. Peut-être, je sais pas. Mais j'imagine que si que vous va peut-être sur YouTube ou Bandcamp, je sais pas. Mais au moment que vous mettez Steve Lacy et Brian Kyson ensemble, vous tombez certainement sur cet album-là. Eh ben super, je vais essayer de creuser tout ça. Je ne travaille pas, tu creuses. Je vais essayer de creuser tout ça, c'était vraiment très bien. Ouais. Et donc là, on voit aussi clairement que Brian Kyson est une grande inspiration pour Steve Lacy, mais aussi pour Nurse With Wounds, pour Stephen Stapleton, parce que ce nom, déjà, on parlait quelques fois durant plusieurs épisodes de cet épisode de Nurse With Wounds. Et une autre personne qui était aussi une inspiration pour, peut-être plutôt pour Stephen Stapleton, c'est Carl Blake, qui a commencé à créer de la musique dans les années 70 dans sa ville natale de Reading en Angleterre. En 73, il a commencé à jouer et à chanter principalement à la suite de la lecture de la poésie de William Blake par une sorte d'intérêt filial tordu uniquement et à l'écoute de Black Sabbath, puis a intégré des influences telles que Emerson, Lake Palmer, Faust, qu'on a déjà développé, King Crimson, je pense qu'une émission précédente était consacrée à ça, et de Roxy Music et beaucoup des autres. Il a ensuite contribué du chant à la guitare, à la basse et à la batterie de groupes tels que Kneeswear, Orange Jelly Baby and the Six White Chocolate Mice, Sidusa, Chrome Toad et Maggots. Aucune de ces formations n'a produit beaucoup plus qu'une poignée de concerts, de répétitions et de la session de jam. Cependant, en avril 78, Lemon Kittens est formé et à la carrière musicale de Carl Blake est commencée. En plaçant une annonce à la numéro de 79 de l'Industry News, il a rencontré Daniel Dax qui a abordé, fourni la maquette, puis est devenu une partenaire à part entière du groupe. Et initialement, je voulais passer des morceaux de Lemon Kittens, un EP qui s'appelait Spoonfed Writing de 79. Quand même, j'ai opté pour l'album sur le label United Dairies, le label qui était fondé par Stephen Stapleton lui-même. Et donc, c'est Carl Blake est membre pas uniquement avec Lemon Kittens, mais presque 15 ans plus tard, il est devenu aussi membre de Murray Fontana Orchestra. C'était un grand orchestre. Je pense qu'ils n'ont jamais vu réellement. Il y a très peu de choses de trouver de cette formation-là. J'ai eu une fois l'occasion de parler avec Jim Turrell de Fetus qui a expliqué que c'est un peu le dada de Stephen Stapleton et que c'est plutôt un enregistrement, un collage qu'il a fait, qu'il a demandé à beaucoup de musiciens de lui envoyer de matériel et que c'est lui qui traitait tout le reste. Et là, il y a un album qui était sorti qui s'appelait The Morris Fontana Orchestra Plays the Hafler Trio, qui était sorti en 75. Mais pour aujourd'hui, on va plutôt écouter The Lemon Kittens. Il faut aussi savoir que Carl Blake était aussi membre de plusieurs autres formations. Et je pense que la formation le plus connue, il y a quelques formations qui sont assez connues. Il y a Alternative TV, lequel qu'on a déjà parlé, déjà consacré deux fois, une fois c'est comme Alternative TV et une autre fois avec Mark Perry qui était aussi un split-off de Alternative TV. Mais il y a aussi The Shock-Headed Peters, une formation qui existe encore maintenant. Peut-être que vous avez le rencontré dans, à Toulouse un jour, parce que c'est quand même une bande fantastique. Mais on va plutôt écouter aujourd'hui quatre morceaux qui viennent de cet album-là qui était sorti en 80, qui s'appelait Why Buy a Hammer for Daddy, qui était donc sorti sur United Breweries. Et les quatre morceaux qu'on va écouter, c'est PVS, Small Mercies, Room Bernie, et pour clôturer de cet épisode, c'est Wrist Job, Once Green and Pleasant Land. Donc, bonne écoute. On a counterpane of glass. In a room where little flies flee. You're forgetting creed and class. But why is there no ambition? There's no true unto themselves. Devour their two faces. No, leave me to my chance. In a room where flies flee. And we take time to dance. Meaninglessly. Because he tells me to. That's what all of us should do and do, isn't it? My baby, he said he didn't care too much what he did. And if it hurt me, well, that was just too bad. If he hurt me, it was just too bad. This humanity in the cradle wanted everything and everything to call pain to us. It's just a strange time. But I love him because he tells me to. That's what all of us should do. Thank you. touch my rabbit's foot and pray, touching wood like all the rest. Help is on the way, help is on the way. Women and children say, and let me see light first. Help is on the way, help is on the way. Ringing half an hour ago, they said, help is on the way. Help is on the way. Help is on the way. Help is on the way. Touch my rabbit's foot and pray, touching wood like all the rest. Help is on the way, help is on the way. And women, children stay and let me see light first. Help is on the way, help is on the way. When ringing half an hour ago, help is on the way. C'est Lemon Kittens à l'instant sur Radio et c'est Nico qui nous fait découvrir ce groupe qui est un peu dans la nébuleuse autour de Steve Stapleton, carrément produit par lui-même et apparaissant sur la Nurse with Wound List, qui est le sujet principal de nos hors-séries. Et est-ce que tu as acheté un marteau pour ton père? Ah Eh bien, oui, et j'ai acheté un marteau pour mon père, et il n'est pas là pour être... et c'est l'art, c'est ce que disait Chris Cutler, j'en ai parlé dans une émission précédente au sujet d'Enrico. L'art n'est pas un miroir pour refléter le monde, l'art est un marteau pour pouvoir le façonner à sa façon. Voilà, tout à fait. Donc, et je pense que c'est chouette pour clôturer ma participation pour ce soir. Tu as encore quelque chose à nous laisser découvrir? Ben oui, parce que comme je vous le disais, assez surprenamment, c'est le même groupe qui apparaît sous deux noms différents dans cette liste. Je vous ai parlé tout à l'heure de Limbus 3, donc trio de musique cosmique pré-krautrock. Et là, on va passer à Limbus 4. On est en 1970 et Limbus 3 devient un quatuor avec l'arrivée d'un nouveau musicien, Matthias Knipper, et donc il se rebaptise Limbus 4 et enregistre un album Mandala au pluriel, une étape supplémentaire dans leurs improvisations ethniques cosmiques, utilisant cette fois une palette instrumentale encore plus variée et surtout profitant un petit peu plus du studio. Donc on est à peu près sur le même type de son, mais meilleur studio, meilleur boulot et album peut-être plus structuré, je dirais, que l'album précédent qui, comme je vous l'expliquais, il y avait les deux longues pistes, les petites virgules un petit peu plus ethniques. Là, on a un son d'ensemble qui est beaucoup plus affirmé. Et comme je vous le disais, il y a beaucoup de notes dans les pochettes. Et là, il est dit que Mandala est un véritable voyage qui mène à l'absolu. Rien que ça. Il y a plusieurs titres. Hein. Diana, qui est une porte ouverte qui nous amène à visiter un ancien monastère bouddhiste où se célèbre un rituel inconnu. Kundalini, qui est une musique tantrique conçue pour guérir l'esprit. Haiku, morceau plutôt rusé et expérimental. Et le titre Plasma, qui se termine par des percussions qui mènent vers une danse ésotérique. Les Limbus, ces musiciens-là étaient des musiciens mystiques. Leur aptitude à la transcendance et à la méditation et à la recherche d'une unité métaphysique perdue les rapproche par exemple de Popol Vuh. Voilà. Ce sera leur dernier album en tant que Limbus 4. Il n'y aura pas de Limbus 5 ni de Limbus 6. C'est ainsi que se termine l'histoire des Limbus, mais qu'aura quand même marqué l'histoire de leur musique par ces deux albums. On va donc écouter un extrait de cet album Limbus 4, enfin de l'album Mandala, signé Limbus 4. Et l'extrait, le titre, c'est Diana, comme je vous le disais, une porte ouverte qui nous amène à visiter un ancien monastère bouddhiste où se célèbre un rituel inconnu. Allez, c'est parti donc pour cette visite. Yeah. Radio, écoutez, radio, vous écoutez, radio, c'était vraiment autre chose. À l'instant, c'était Limbus avec leur voyage cosmique, cette magnifique porte ouverte. On a visité un ancien monastère grâce au Limbus 4. C'était vraiment autre chose, 200e édition, au pied de la lettre numéro 26, tentative d'exploration de la Nurse with One List. Bonjour les petits enfants! Et pourquoi ils sont là, les petits enfants? Mais ils sont là, ils sont en chacun de nous et ils sommeillent, les petits enfants. Et il est temps maintenant de procéder à l'interminable récapitulatif de fin d'émission. Ce soir, notre fil rouge, c'était Steve Lacy et c'est toi, Nico, qui a pris la main. Tout à fait, donc désolé pour qu'on a réveillé les petits enfants, mais quand même on a pris le temps pour écouter beaucoup de musique aujourd'hui. C'était pour commencer avec Steve Lacy avec un morceau qui s'appelait Rocking in Rhythm de l'album Soprano Sax qui était sorti en 58 sur le label Prestige. On a directement enchaîné avec un autre morceau de Carla Bley avec Mike Mantler et Steve Lacy avec le morceau Walking Battery Woman qui était sorti en 66 sur le label Fontana et c'était sur le label Jazz Realities. Ensuite, je vous ai parlé de l'Art Free, le deuxième projet de Gilbert Hartmann, enfin le premier projet chronologiquement de Gilbert Hartmann. On a donc écouté plusieurs extraits de l'album Gilbert Hartmann, l'Art Free, à commencer par Warino Baril. Et ensuite, on a écouté la partie 2 de 12 ou 13 juillet que je sais d'elle. Ensuite, je vous ai amené sur un deuxième album de l'Art Free et on a écouté le titre In a Desert Alambic. Et ensuite, on a enchaîné à nouveau avec Steve Lacy, cette fois-ci avec un très long morceau de l'album The Forest and the Zoo, et que nous avons entendu le morceau qui s'appelait Zoo, qui était sorti en 67 sur le label ESP Disc. Par la suite, je vous ai présenté le Forte Four, qui sont à l'origine de la création de leur collectif Los Angeles Free Music Society. On a écouté, tiré de l'album Bikini Tennis Shoes, on a écouté Fade It Out, The Pop Speaks, Crank Up The Kids et Bongo Madness. Par la suite, on a continué à dérouler l'histoire de ce collectif et de ce groupe. Et donc, on a écouté deux extraits d'un album live sorti en 76, le Live at Brand, qui réunissait le Forte Four et les Doodoo Itties. Et donc, on a continué à se régaler de titres du Forte Four. Les titres, c'était Keep That Point Up, 4000 Halls in Blackburn, Lancashire, Down the Congo in Backward Canoe, Teleton Returns Continues et Welcome to 35 South Raymond. Et on a continué avec deux morceaux de Steve Lacy. Le premier était tiré de l'album Epistrophe qui était sorti en 69 et le morceau que nous avons entendu c'était une ode à Thelonious Monk avec le titre Thelonious qui était sur le label BYG Records et ensuite on a enchaîné avec Name, un album qui était sorti sur le label M&M et l'album s'appelle Solo Théâtre de Chien Noir. De temps en temps le titre Avignon and Alter Volume 1 était aussi utilisé et ça s'est sorti en 74. Par la suite, on est allé en Allemagne, à Berlin exactement, pour découvrir le trio Limbus 3 et on a écouté le titre One Way Trip tiré de leur album New Cosmic Experience. Et ensuite, on a enchaîné avec le dernier parti avec Steve Lacy, cette fois-ci ensemble avec Brian Gyson. On a entendu trois morceaux de l'album Permutations. Non, on a plutôt écouté l'album Songs, mais il y a un 7 pouces qui était inclus, qui s'appelait Permutations. Et les trois morceaux que nous avons entendus, c'est Junk Is No Good Baby, Kick That Habit Man et I Don't Worry Your Dick. Et ensuite, on a continué avec Lemon Kittens, avec aussi l'inspiration pris de Brian Gyson. Et les quatre morceaux étaient tirés de l'album Why Buy a Hammer for Daddy, qui était sur le label United Dairies de 80. Et les quatre morceaux, c'était PVS, Small Mercies, Room Burning et Wrist Job, Once Green and Pleasant Land. Après, on a retrouvé les Limbus 3 qui s'étaient vus renforcés par un nouveau musicien qui sont devenus les Limbus 4. Et on a écouté donc le premier titre de l'album Mandala. Le titre, c'était Diana. Et c'est tout ce qui nous a occupé dans cette très longue soirée. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on est à la fin maintenant. Hein. Eh bien oui, on est à la fin. Écoute, avec un peu de chance, on se retrouve jeudi prochain pour en terminer avec les groupes en L et peut-être attaquer les groupes en M. Et d'ici là, portez-vous bien à tous. Et encore merci, Nico, de ta présence et de ton apport inestimable à cette émission. Merci pour l'invitation. Et c'était avec un grand plaisir d'être présente. À bientôt. Ciao.